L'événement K. Mais Bill, demande Alistair de l'autre côté de la table de conférence, c'est si grave que ça? Malgré le climat contrôlé de l'arcologie, ce sale con sue à grosses gouttes. J'ai jamais vu un ministre courir pour se rendre jusqu'à moi. Ça me plaît. Regarde les courbes, je lui réponds froidement. Et puis quoi de neuf? Rigole Singapour à travers le locum. Bronzé, dents blanches. Celui-là patauge sur la piscine vertigineuse de la Marina Bay Sands Hotel, à l'autre bout de la planète. 50 étages plus bas défilent les gratte-ciels du hub financier, gris et perdu dans le smog. Ça me semble improbable, s'oppose Alistair. Mes analystes sont incompétents, dis-je en l'interrompant. Mon équipe est plus grande et plus qualifiée, et tu le sais. Nos outils sont 4 ans en avance sur les vôtres. Je t'assure, cette crise-là est inévitable. Et cette fois, une politique d'austérité fera pas l'affaire. Oubliez les coupures budgétaires, c'est trop gros et vous avez plus de ceinture à serrer. Tout ça va éclater bientôt. 10 jours, 2 semaines tout au plus. Et la famine de 47 aura l'air d'une partie de plaisir à côté. Le taux de chômage est déjà à combien? 30%? La nation est dans la merde. Jusqu'aux ouïes. À moins qu'on intervienne. Alistair enregistre mes mots, mais ne réagit pas. Allez, fais pas cette face! Ajoute Singapour, balayant un uniforme du revers de la main. C'est juste une autre crise. Les crises, c'est bon, ça nous permet de faire le ménage, mettre de l'ordre, tu vois? Je prends une courte pause pour accentuer le malaise chez le ministre. Je lui donne un beau sourire, mon meilleur sourire. Et puis quoi, je veux pas le pousser, c'est pas stratégique. De toute façon, Alistair sait qu'il y a plus en commun avec moi qu'avec la plèbe qui l'a mis là. C'est à ce moment qu'on vient frapper à la porte capitonnée de la salle conférence. C'est Katia. Comment ose-t-elle me déranger pendant que je cuisine ce jambon? Oh la salope! Puis je réalise qu'elle a peut-être une bonne raison. La seule bonne raison. Sans hésiter, je lui fais signe d'entrer. Alistair la remarque, ses yeux globuleux filant instinctivement des escarpins aux boucles d'oreilles. Même au bord du précipice, le ministre n'a pas perdu ses appétits. Elle se penche à mon oreille. « Bill, chuchote-t-elle, nous l'avons trouvé. » « Excellent, alors? »« Alors quoi? » me répond-elle, comme pour faire exprès. « Son nom, bordel! Comment elle s'appelle? »« Lanchea Duclair, Bill. »« Lanchea? Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme travail? »« Elle est à son propre compte. » répond Katia. Designer de mode. Je dois me contenir. Designer de mode. Si bourgeois, si superficiel. C'est exactement ce que j'imaginais. De son côté, Alistair commence à s'impatienter. Il me cherche du regard, convaincu que son temps vaut quelque chose. Je le laisse mariner dans son jus. Excellent. Alors fixe un meeting, prépare un contrat, je sais pas, n'importe quoi. Utilise une des subsidiaires. La ligne de vêtements, tiens. C'est quoi, fouche? Schlouf? Swoosh, corrige Katia, toujours impeccable. Voilà. Mais ma secrétaire hoche discrètement. On l'a vendu au dernier trimestre, Bill. Ah, merde. Ben, on rachète alors. D'un signe de la main, je lui signifie qu'elle a terminé. D'accord, Bill, fait-elle. Oh, un dernier truc. Oui, Bill. Invite-la au château pour qu'on discute des détails. Bien, Bill. Le ministre des Finances commence à s'impatienter. Depuis le locum, Singapour commande un verre en mandarin. Les clapotis de la piscine résonnent depuis les haut-parleurs. Je vais devoir en parler à la Banque fédérale, annonce Alistair. Quelque chose comme une menace. Le con. Écoute-moi bien, je commence. Quand cette tempête de merde va éclater, il n'y aura pas une tonne d'options sur la table. Et la BF t'aidera pas dans ce foutoir. C'est moi qui contrôle le conseil d'administration. Comme le comité régulateur, l'autorité financière. Singapour sourit à pleines dents blanches. Vos dettes sont trop grandes, annonce mon collègue à l'autre bout du monde, toujours suave. La moitié des revenus va fondre et vous allez crouler sous les intérêts. Mais un État ne peut pas déclarer faillite. Il n'y aura qu'une seule solution, Alistair. Le ministre hésite qu'une seule seconde. C'est tout le temps qu'il lui faut pour passer du public au privé. Comme la Grèce, lance-t-il finalement d'un ton renfrogné. J'admire le fait qu'il ait gigoté un peu avant de se rendre à l'évidence. Un plan de restructuration, je commence. Pas sorcier. On prend votre dette. Au complet. Toute une fleur, hein? Oh, y a pas de quoi. Mais en échange, on privatise tout. Tu comprends? Tout. La police, la santé, les écoles, la cour supérieure. Il y aura même plus d'impôts. Et j'attends déjà les remerciements sur celle-là. Fini. Restera plus que des frais d'usager. Ce sera plus efficace. Mais t'en fais pas. J'aurai une belle place pour toi à la tête d'une de mes compagnies minières. La famille n'aura pas à s'inquiéter. Quasiment une formalité, commande Singapour. Tu sais qu'on dépense deux fois plus en lobbyistes qu'en impôts chaque année. À ce stade-ci, démanteler l'État vient régler une redondance. Puis un peu de rebranding vous ferait pas de tort. Mais c'est pas le pognon. Le trafic d'influence qui dérange Alistair. C'est cette dernière phrase, la mort du concept archaïque. Je te vois hésiter. C'est vrai, on aurait pu édulcorer tout ça un peu, mais c'est pas une bonne idée d'employer des métaphores quand on parle avec des imbéciles. Avant que le ministre retrouve ses couilles, je décide de l'achever. Finis les beaux sourires. Réfléchis bien, je précise d'un ton de fer. Personne veut ton putain de gouvernement. Garde à droite, à gauche, cherche bien. Dans toute la province, il n'y a qu'une poignée d'avocats qui tiennent encore à l'État et c'est seulement parce qu'ils sont trop cons pour que je les engage. À trois fois le salaire que vous leur donnez en passant. Tout le monde a baisé ces quelques arpents de neige. Les Français, les Anglais, les curés, les nationalistes, la mafia, les banquiers. Il reste plus grand-chose. Et ses habitants sont plus cons que des bottes. Il y a à peu près trois travailleurs qui comprennent ce qui se passe et ces trois-là peuvent pas se sentir. La démocratie fonctionne pas, a jamais fonctionné. Tu le sais, je le sais. Et bientôt, on va pouvoir arrêter de faire semblant. Alistair ne me regarde plus. Il regarde la métropole à travers la fenêtre de l'arcologie. Impossible de dire à quoi il pense. Mais il hoche la tête. J'ai gagné. J'essaie de pas rire. C'est pas facile. La vérité, c'est que j'avais déjà gagné. Avant même que commence cette discussion. La première ministre est dans ma poche depuis 10 ans et la moitié du Conseil du Trésor a déjà travaillé pour moi. Cette grande, cette méchante, cette méga crise financière, c'était mon idée. L'événement cas. Mon schème. Ma volonté. D'accord. Je pouvais pas empêcher un tourbillon de merde du genre. C'est l'essence même du capitalisme. Sauf que je pouvais orienter le crash, pointer un vecteur, une fenêtre d'opportunité, et voilà. En dernier recours, ma Hope Sec avait un dossier complet sur Alistair juste au cas. Photos compromettantes, enregistrements, etc. Le pauvre. Il est allergique aux arachides. Constamment à une cacahuète près d'être retirée de l'équation. Seule condition, moquerait le ministre dans sa déconfiture. Bien sûr, jubile Singapour, sirotant un verre avec un petit parasol rose. Cette compagnie que je vais diriger, précise Alistair. Ouais, je lui demande curieux. À l'étranger, demande le ministre. Aussi loin que possible.